terre, tout ce que je vois ne s'explique pas, non. Toi dans ton ignorance, tu ne sais pas combien tu me manques, je te sens, tu es là, je m'agrippe à ton corps imaginatif. Oh, tandoero, paillettoro, papa, paillettoro. Lumière, tout ce que je vois ne s'explique pas, non. Toi dans ton ignorance, tu ne sais pas combien tu me manques comme un rêve qui prend fin. Je te parle des désirs, cela me déchire. Oh, siempre la paella, tandoero, paellandoro, papa, paellandoro. Quiero paellandoro, papa, paellandoro. Hey, fais-moi sentir Bye.